Vous écoutez Nuisance. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances. L'émission qui n'a eu au sens. Sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone 05 61 53 36 95, un lieu, une adresse, le 43 rue Alfred Duméril au 31 400 Toulouse. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, émission de toutes les nuisances sonores, évidemment comprises dans les nuisances. Nuisance, c'est tout, tout ce qu'il y a à savoir sur le tout. C'est dans Nuisance que vous le découvrirez ce soir avec nous. Et vous êtes bienvenue en enfer, si vous n'avez pas compris, c'est une émission d'enfer. On va s'éclater ce soir, c'est génial, je suis en pleine forme, j'espère que vous aussi. Chut. Baby. merde et tout le foutre Dieu que m'encule, que j'y sois. Infernalisé dans une merde pas possible, réelle pourtant qu'il faut accepter. Je m'encule, à souhaiter à travers te. Tu vas comprendre, sale merde, je suis vraiment qu'une sale merde. Comprends-tu déjà la saloperie de merde que tu es? Tu es toujours et tu es à jamais. Tu es, c'est le motto, le grand motto du cri. Bienvenue à tous ceux qui n'ont jamais écouté cette émission de merde. Je me sodomise, il est 21h32, je m'autorise un peu de censure. Je me scotomise même jusqu'à en paraître plus moi. Mais plutôt vous. Indiana Jones n'est pas dans les parages. Je le prends, je le retourne et je l'enferme dans une boîte par la tête. La première, dans une fange humaine que j'aurais récoltée ici-bas, chez quelqu'un, dans son chiotte. Et toujours du chiotte partout et du caca prout. Badaboum, allez tous vous faire foutre. C'est toujours tout ce qu'il y a eu ici et il n'y aura jamais rien d'autre dans Nuisance. C'est là qu'on se demande vraiment ce qui se passe ici. Par rien, je veux dire. À tous mes potes, allez vous faire enculer, je vous abandonne tous, je suis tout seul et j'en ai rien à foutre d'abord. Merde à moi, merde à tout le monde, merde à foutre, merde à Dieu, ouais le foutre, Dieu, ouais, merde à cette chose. Laissez-moi crever, ah. Ouais, plutôt crever que de vous voir m'aider, bande de merde. Après le passage 24, opus 24B, 288, oh pardon, excusez-moi, je recommence. Après le passage B24KW5687-alinéa B94-12 de l'opus 26-40-cruit dans le fion, enculé, je recommence. Après l'opus B98K92WAZ, ammoniaque, ammoniaque, Ah, Moniaque, vite, amène-moi de l'amour. Ah, ça va mieux. Oh. Après l'opus B2498 sur cette chère radio, nous allons écouter l'opus 98B24K, Z92C 45, AZ58C 48, 21-alinéa B92-A anti-slash A. Ouais, on va se faire enculer, ouais, c'est bon ça, c'est bon, ouais, vas-y, prends-le, retourne-le, ouais, vas-y, retourne-le, pour-lui dans le derche. Merde! J'ai lâché les notes, je sais plus où j'en suis, je vais trouver quelque chose d'autre à faire, vite! Avant que tout ne se pète dans la gueule, merde, je comprends plus rien, ça y est, c'est la merde. Ah merde, je comprends toujours plus rien, merde, c'est vraiment la merde, ah, qu'est-ce qu'on va devenir? Voici l'opus 4851A, B2458, Z. Oh, excusez-moi, j'ai interrompu l'œuvre, on recommence l'œuvre? Ouais, vas-y, John. Ouais. Recommence encore ton œuvre, John. Do. Tu m'entends, mec? Tu m'entends au bout du couloir? Toi aussi, tu vas mourir. Moi aussi, c'est beau, non? Toi là-bas et moi ici, on va mourir tous les deux, tu sais. C'est beau. Fuck yeah, that's so good. You're the best, you know. You're the best fucking instrumentation I've ever fucking met, you know. Woo, yeah, baby, yeah! Nous sommes en train d'expérimenter avec l'azur, l'azur comme la lazure en B-index 92 ammoniaqué C24 Prout. Et je me demandais justement si on pouvait ajouter de l'acide sulfurique au mélange. Il est visible que non, le mélange mélodieux auparavant est devenu trouble et a intensément oblitéré toute possibilité par inadvertance là. De beauté ou de grâce omniprésente que l'on puisse trouver un peu ailleurs. Voilà, donc ça a tout foutu en l'air, j'en suis désolé, je recommence à zéro, tout. On va recommencer. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Allez, c'est parti. C'est beaucoup mieux. Oui. C'est vrai. Beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. C'est beaucoup mieux. Continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie. Vous y êtes presque. Presque, oui, presque. Imperceptiblement, vous y êtes presque. Waouh, c'est dément ton son, t'es vraiment quelqu'un de bien. Ouais, je sais, merci. Moi aussi, je sais des choses que tu ne sais pas. C'est génial, tout est beau. Oh, regarde-moi ce lapin là, écrasé, mort, sûrement tiré par une voiture ou par quelqu'un avec un fusil. C'est génial, c'est beau, c'est naturel, tu trouves pas? Oui, je trouve ça bien. Après tout, il faut les éliminer, ces choses-là, ça pue. Ouais, donc c'est vrai, ouais. Oh, comme t'es beau, tu sais, ouais, je sais, ouais. Merci. Et toi aussi, tu peux l'être, belle. Oui, c'est ça. Là, tu l'es de plus en plus belle. Oh oui, tu es magnifique maintenant, ma chérie. Chérie, oh oui. Continue comme ça, je t'aime tellement. Oh. Bon, allez, après tant d'amour et de grâce et de beauté, on va arrêter là. On va recommencer à zéro encore un coup. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. Tout recommencer du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, oui. On va commencer par le début. Donc, excusez-moi de si peu, je vais commencer par quelque chose d'un peu pourri. Je me l'accorde. Mais ça vous fera les pieds. Les pieds en zut. Voilà, c'est parti. Voilà, c'est pour vous ce soir, en direct live de Paris-Bercy. Lolo, le grand, le fameux, le magnifique, c'est nous sommes tous ensemble, ensemble pour l'amour et l'extase, oui, maintenant. Ça y est, vous la sentez l'extase ? Moi aussi. C'est beau. C'est comme le reste, quoi, je veux dire. Ça y est, j'ai trouvé la note parfaite. Je peux vous tenir comme ça en haleine pendant 2 heures. Bienvenue sur Canal Sud. Quelque chose de bizarre dans la vie, tu sais, c'est quand... C'est quand il y a quelque chose de différent, tu vois. Différent de nous. Tu vois? Différent de nous, tellement qu'on est différent qu'on comprend rien, on comprend rien, tu vois, et c'est là où il y a un problème, c'est là où ça fait vraiment chier, tu vois. Non, mais c'est vrai, quoi. Ça peut pas durer comme ça éternellement non plus, je veux dire, ça peut pas durer comme ça, tu vois, éternellement non plus, tu vois. Attends, laisse-moi t'expliquer. Il faut qu'il y ait quelque chose. Quelque chose, tu vois? Quelque chose de bien, par exemple. Même si c'est quelque chose de merde, je veux dire, c'est pas grave. Mais fais quelque chose. Ouais, je sais pas, non, tu sais, non. Bah voilà, je fais quelque chose. Et bah voilà! C'est ça qu'on voulait. Voilà, on voulait quelque chose de bien, tu vois. Quelque chose de... de trépidant. Tu vois? Tu peux y arriver. Tu vois, tu peux y arriver quand tu veux. C'est ça qui est bien, c'est quand tu n'y arrives pas, tu vois, que c'est chiant. Je t'assure. C'est vrai. Tu peux m'écouter, tu peux me faire confiance. Je suis quelqu'un de bien après tout. Je suis pas là pour te faire chier, tu vois. Tu peux me croire. Non, je suis là pour te faire plaisir, moi. Donc tu peux me croire. Ouais. C'est clair. Non, je veux dire, ouais, t'as raison, tu vois. Ouais, ouais, fuck you, motherfucker. I don't give a fuck anymore. I don't give a fuck anymore. I'd much rather see you die, you stupid motherfucking hell, in your fucking minds, you stupid shits. Oh my god, I've hit the wrong note. I'm so sorry. I'm so sorry. Oh, je suis tellement désolé, je me suis trompé de note. Ah merde, excuse-moi. Excuse-moi, pardon. Ah, c'est horrible ça, il faut que j'arrête. Ah mon dieu, mais qu'est-ce que ça peut être horrible ça aussi. Il faut arrêter absolument tout de suite. C'est horrible hein, pour un vendredi soir. Oui, un vendredi soir. Quelle horreur d'avoir écouté de cette merde. Putain, si seulement les gens ils arrêtaient de faire de la musique de merde, ce serait bien. Il y en a marre de c'est à chier. Il ferait mieux de fermer sa gueule, ce bâtard. Je vais aller crever au 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse, à la radio Canal Sud. Nuisance, s'encule elle-même. Nuisance, c'est de la merde. Je m'encule. Je suis de la merde. Nuisance, c'est de la merde. C'est ça qu'il faut dire. La vérité, enfin, c'est de la merde. Tout ce qui nous reste, bordel, merde. Ah non, j'ai décidé de changer d'avis en fait. Excusez-moi, je retourne ma chemise. On va dire que des choses belles maintenant, à partir de maintenant. La vie, c'est beau. L'amour, c'est beau. I love you, baby. I love you so much. I'd like to die. I fuck you, fuckhead. It's full of shit. It's full of shit, yeah. yeah, fuck me, yeah, fuck me in the head. Fuck me in the head, you love me so much, fuck me, yeah, baby. J'ai raté le dernier épisode, donc on va recommencer du début. En commençant par la fin cette fois. La fin qu'on peut trouver sur CD, Harmonia Mundi, ou Ombre Blanche, ou La Fnac, ou également tout ça, tous ces trucs réunis là, vous pouvez les mettre dans le même sac, et vous écouterez le CD en mettant tous les CD qu'ils ont en même temps. En même temps. Nous allons donc écouter des sons clinquants et hautement de merde ce soir, comme d'habitude, sur Canal Sud 92.2 FM. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, Nuisance, Nuisance, Ne réglez pas vos postes. Vous n'en serez pas capable. Allons enfants de la... Voilà, il va falloir supporter un peu de Larsen et du silence, beaucoup de silence. Aux armes, citoyens, formez les bataillons. Silence Radio sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Dans la région toulousaine, il y a beaucoup de radios écoutées et beaucoup de radios qui ne le sont pas. Eh bien, Canal Sud ne fait partie de ni l'une ni l'autre de ces catégories. Ni d'aucune catégorie, l'on espère ici. En tout cas, Nuisance, elle, fait partie d'une catégorie d'émissions que l'on peut qualifier de merde, qui s'encule elle-même. Et qui n'a rien à foutre de rien. Donc voilà, éloignez vos enfants du poste et n'écoutez pas ça en voiture avec vos enfants dedans. Plutôt en dehors de la voiture. Donc jetez vos enfants par-delà la voiture pour dépasser l'être T, faisance de petites monstruosités comme des enfants. Voilà, donc on va être plutôt être T, ne pas faisance de petites monstruosités comme étant les enfants. Donc en étant des gens qui sont des monstruosités elles-mêmes. Et qui font donc des monstruosités avec leurs enfants. Ça n'a rien à voir, vous voyez ? Par exemple, en les prenant et en les jetant par-dessus, enfin, à part de là, la voiture, quoi. Vous comprenez ? C'est là où je voulais en arriver. Vous êtes pire que moi, hein. Je suis sûr que il y en a des pires que moi. Oui. Silence Radio, donc un petit cadeau pour vous ce soir. Tous les amoureux de Nuisance l'auront reconnu, le Silence Radio, le fameux. Et toujours cette clinquance. Tant de clinquance ici. Ça clinque. Ça clinque trop même, je crois que j'ai carrément coupé le silence parce que là c'est vraiment clinquant. Pas confondre avec Absconce donc. On va peut-être arrêter là, hein. Ouais, je crois que je vais arrêter là. Le silence, toujours cette omerta, donc la loi du silence, radio en l'occurrence, donc l'omerta de la radiota, on va dire, le tas de radio, enfin le tas de, vous voyez ce que je veux dire, les radios, non vous voyez pas, attendez, je recommence, je reformule, l'omerta, donc ce soir, à la radio, pour ou contre, on attend vos appels, au 05 61 53 36 95, je répète, le 05 61 53 36 95, sur le www avec HTTP au demeurant présentement avant donc le www avec un point précédant le www.canalsud.net, vous ne trouverez pas de forum de discussion sur le sujet de l'Omerta ni de la Radiota, donc ne cherchez pas. Par contre, vous pouvez appeler au 05 61 53 36 95, je me ferai un plaisir de décrocher le téléphone avant votre appel pour empêcher toute communication. En parlant de frein, on pourrait se demander à quoi tout cela rime. Eh bien, je ne sais pas à quoi tout cela rime, je sais en quoi tout cela rime. Cela rime en merde. Va te faire enculer, gros tas. Oui, cela rime en merde, va te faire enculer, gros tas. De merde, sous-entendu, moi. Je ne prendrai jamais à quelqu'un d'autre que moi. Cela va en le disant. Ah, je me roule une cigarette. Excusez-moi, je suis tabacophile. C'est-à-dire que j'aime faire l'amour avec le tabac. Et je suis également tabagique. Ce qui ne m'empêche nullement de mourir à la fin de ma vie. Je vous rassure. Nuisance, donc l'émission toujours là. Je répète. Je recommence. Nuisance, donc l'émission toujours là pour faire chier. Un vendredi soir, comme tous les autres vendredis soirs de l'année, de 21h à 23h, je vous encule. C'est mon motto. C'est mon dogme. Je m'encule moi-même. C'est vous dire. Allez, à toutes les religieux de France, suivez-moi. Aimez-moi, suivez-moi. Et adopter la bure franciscane. Franciscale, pardon. Franciscanée. Voilà, on va aller faire canner ces franciscains. Cette bure-là. C'est sévèrement burné. De dire des choses pareilles. Au plein milieu du 21e siècle. Enfin, milieu, je sais pas. Il faut bien tourner les choses comme elles sont pas. Pour rigoler un peu, ce soir, Nuisance ne s'enculera pas entièrement sans votre approbation. Gloire à Satan. Ceux qui vont en boîte, je vous aime pas. Pour tous ceux qui parlent en répondant à ce poste, j'en ai rien à foutre. Pour tous ceux qui crèvent. Nuisance, c'est donc une émission de musique bruitiste, comme le bruit. Et donc c'est du bruit, voilà. Qu'en dire pour être pédago, rien à foutre, on s'encule, ouais c'est chouette, je m'encule moi-même, c'est cool, merde. Bon, qui c'est qui cherche nos comments ici? Levez la main, pas de commentaires. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Écoute. Je vous écoute encore, oui. Oui, toujours là. Oui. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ça va pas? Il y a un problème? Je sais pas, c'est quoi le problème? Quel est le problème? Je te demande juste, c'est quoi le problème?

Bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine ou canalsud.net sur le web. Il est 23h moins 10 minutes environ à Toulouse, France, au 40 rue Alfred Duméril, 31-400 Toulouse. Donc pour écrire à la radio, si vous voulez souhaiter donner, si vous souhaitez donner de l'argent, adressez-le à la radio Canal Sud. 40 rue Alfred Duméril, 31-400 Toulouse, si vous voulez faire des choses avec votre thune autre que ça, et en fait, donc c'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, voilà, donc ça fait à peu près une heure et demie que ça dure. Enfin, je veux dire ce soir. Toujours de la grande et de belle et... Merde, je recommence. Toujours de la grande et belle musique dans Nuisance. Pour vous en ce soir, live direct, dans la face. De rat que nous sommes tous, je l'espère, car je me sens une face de rat humain, malgré tout. Merde. C'est là le drame de cette société et dans la tergiversation d'autrui. Je suis là pour représenter autrui pour vous ce soir et je tergiverse, c'est ça le drame. Pour vous ce soir sur Canal Sud. Oh bébé, I love you, yeah. Oh bébé, I love you, yeah. I want to fuck you, baby, baby. Baby, yeah, I want to fuck you in the ass, yeah, baby, baby, yeah, yeah. Oh ouais, bébé, je t'aime tellement. Je veux te niquer dans le cul. Dans le cul.